Et il y a aussi rüberlegen, qui veut dire mettre dessus. Alors, comment diriez-vous je le mets dessus? Et le verbe c'est rüberlegen. Donc, et Ich lege es rüber. Ich lege es rüber. Il ne faut pas confondre rüberlegen que nous venons de voir avec überlegen, dont je voudrais vous parler maintenant. Überlegen signifie réfléchir. Donc si je dis Ich werde überlegen, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais réfléchir. Exactement. Ich werde überlegen, c'est je vais réfléchir. Et si on veut dire je vais y réfléchir, c'est Ich werde es mir überlegen. Ich werde es mir überlegen. Et donc, je réfléchis, ça sera Ich überlege. Oui, ich überlege. Ou bien Ich überlege es mir. J'y réfléchis. À vous. Ich überlege es mir. J'y réfléchis. Ich überlege es mir. La syllabe über n'est pas séparable, mais elle l'est dans rüberlegen, où le R donne un mouvement supplémentaire au verbe. Rüberlegen, c'est placer dessus. Oui, c'est placer dessus, mettre dessus. Donc, rüberkommen, ça voudrait dire venir en haut de. Tout à fait. Rüberkommen, c'est monter, passer chez quelqu'un. Comment diriez-vous venez en haut? Kommen Sie rüber. Oui, kommen Sie rüber. Venez en haut, montez. Kommen Sie rüber. Et si à l'inverse, la personne qui parle est en bas et que l'autre est à l'étage, la première dira à la seconde kommen Sie runter. Venir du haut de, descendre, c'est runterkommen. Donc, venez en bas, descendez, kommen Sie runter. Kommen Sie runter. Donc, kommen Sie rüber, montez, passez. Là encore, le R de runter et rüber donne l'idée du mouvement. Et comment diriez-vous descendez? Kommen Sie runter. Bien. Kommen Sie runter. Descendez. Kommen Sie runter. Ou encore, kommen Sie rein. Entrez. Qui vient de reinkommen. Entrez.